justement, tout avait débuté par une simple querelle. Apparemment rien de violent, croyait-elle, jusqu'à ce que nerveusement son père veuille lever la main sur elle. Ne supportant plus cette autorité de fiel, mademoiselle veut quitter son foyer maternel, mettre le vent dans ses voiles pour ne plus avoir à subir l'autorité parentale, ni la douleur d'une ceinture qui fait mal, elle se file à mal. À son âge, on croit tout savoir, une image pourtant différente de celle projetée par le miroir, dévoilant une enfant fragile, cherchant toujours son équilibre, qu'elle obtiendrait à son avis en étant libre de n'en faire qu'à sa tête. Les conseils parentaux l'agacent, son entêtement devient tenace. La décision est prise, elle s'enfuit comme la brise, avec beaucoup d'audace, mais dans les poches quelques devises. Jeune fille égarée, regarde bien où tu mets les pieds. Mademoiselle vend son corps, supportant l'indifférence des inconnus et le poids des remords. Mais lorsqu'elle s'endort, comme une petite fille qui a tant besoin de réconfort, elle pleure, pleure les larmes de son corps sur sa jeunesse blessée. Ah, si elle avait pu éviter le pire à l'avenir, face aux satires, au lieu de se dévêtir, changerait-elle son devenir? Elle se réfugie derrière cet éthylique bouclier, mais pour combien de temps elle est devenue la risée du quartier, son point de repère dans la jungle urbaine, elle erre. Prête à tout pour ne plus avoir à rentrer chez son père, perdu entre ses fréquentations et les tentations dont elle voudrait se défaire comme de toute cette humiliation. Elle subit sans broncher car elle ne sait où aller, mais tout ce qu'elle encaisse, dites-moi, l'a-t-elle vraiment mérité? Mener une vie qui n'est pas la sienne, pleurer constamment pour vider son cœur rempli de haine. Elle saigne intérieurement d'en être rendue à ce point. Son domicile est presque devenu la rue du coin. Son esprit reste anesthésié par son entourage. Elle aimerait en un claquement de doigts pouvoir tourner la page, partir loin sans regarder en arrière, rêvant qu'un jour soit exaucée toutes ses prières. La seule personne qui puisse te sortir de la zone, c'est toi. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura de l'espoir. Ne l'oublie pas, ne te laisse pas aller éroder jusqu'aux os, pour que le scénario s'achève un peu trop tôt. Parti pour ne plus revenir, nous fûmes qu'un instant dans le temps qui s'échappe en courant, mais en attendant de passer de l'autre côté. À chacun sa destinée, à toi de la contrôler.